sur les questions sur lesquelles j'étais amené à parler, puis après j'aborderai particulièrement l'objet d'aujourd'hui. D'abord, d'un point de vue géographique, si on peut dire, guerre, culturelle, etc., j'ai travaillé principalement sur deux sociétés, les États-Unis et la France, et souvent de manière comparative. De manière comparative, ça veut dire des choses compliquées, c'est pas en pratique, ça veut dire à la fois s'intéresser à une société et s'intéresser à l'autre, mais après se demander à quoi ça sert de s'intéresser aux deux, y compris parce qu'on n'est pas le seul à s'intéresser aux deux, c'est-à-dire que les questions de circulation entre ces sociétés sont des enjeux internes aux sociétés. C'est-à-dire que c'est pas simplement des sociologues comme moi qui disent tiens, on va faire des comparaisons, mais tout le monde, plus ou moins, fait des comparaisons entre la France et les États-Unis d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un premier élément qui est important, bien sûr, pour les questions raciales dont je vais parler. Il se trouve qu'un certain nombre de gens en France, indépendamment, enfin, pas seulement moi, mais qui s'intéressent aux questions raciales, ont plus ou moins des passages par les États-Unis. Prenez quelqu'un comme Pape Ndiaye, par exemple, qui a écrit un livre sur la condition noire. C'est quelqu'un qui est d'abord américaniste, qui a travaillé sur la société américaniste au sens spécialiste des États-Unis. Et son livre sur la condition noire porte sur la France, mais c'est un effort pour essayer de voir dans quelle mesure on peut faire fonctionner des catégories qui ont été forgées ailleurs. Ça, c'est, si vous voulez, la définition géographique. La définition thématique, c'est que je travaille depuis assez longtemps, maintenant, depuis une vingtaine d'années, sur des questions que j'appelle minoritaires. Les questions minoritaires, ça touche à la fois aux questions, en tout cas dans ma pratique, ça touche à la fois aux questions sexuelles et aux questions raciales. Bien entendu, ça ne détermine pas nécessairement la totalité du champ, etc. J'expliquerai un petit peu ce que j'entends par là malgré tout et pourquoi ce périmètre, au-delà du fait que c'est simplement ce que je sais faire, ce qui me fait suffisamment, etc. Mais j'essaie de justifier un petit peu. Ça veut dire quoi les questions minoritaires en l'occurrence? C'est à la fois les questions sexuelles et les questions raciales. Les questions sexuelles, comme vous le savez, beaucoup de féministes récusent l'utilisation du terme minoritaire à propos des femmes, en soulignant à juste titre, ça ne peut pas échapper, que les femmes ne sont pas une minorité, mais une majorité. Mais du coup, ça me paraît d'autant plus intéressant parce que ça rappelle que la minorité n'est pas une question quantitative, c'est une question de rapport de pouvoir. Et donc, pour autant que la domination masculine existe, que la domination de sexe ou de genre, etc., existe, il me semble que la question minoritaire se pose bien également pour les femmes, malgré qu'elles sont majoritaires. Et ça m'amène à m'intéresser simultanément aux questions de minorité sexuelle, au sens où on le dit ordinaire, c'est-à-dire plutôt en termes de sexualité. Donc ça m'a amené à m'intéresser pas mal aux questions, entre autres, d'homosexualité, à travers la reconnaissance des couples de même sexe, le pacte, le mariage, etc. Et dans ces deux domaines, les questions de comparaison avec les États-Unis ont pour moi joué un rôle assez important. C'est-à-dire que, d'une part, pour ce qui concerne les questions homosexuelles, un des sujets sur lesquels je travaille, c'est la comparaison entre la formulation des questions en France et aux États-Unis, c'est-à-dire les histoires de mariage gay, pour dire vite, ne sont pas des questions spécifiquement françaises. Ce sont des questions qui se posent plus ou moins simultanément, je ne rentre pas dans les détails, mais plus ou moins simultanément aux États-Unis. Et on peut se dire, bah oui, donc c'est la même histoire, et en fait ça m'intéresse de voir comment, à certains égards c'est la même histoire, à certains égards c'est pas la même histoire, et qu'est-ce que ça permet de comprendre sur le fonctionnement national des deux côtés. Et y compris, j'ai été amené à m'intéresser plus récemment à une dimension qui n'apparaît pas à première vue, mais qui, me semble-t-il, finalement est importante, qui est la dimension raciale dans la constitution du débat sur le mariage gay en France d'un côté, aux États-Unis de l'autre. Donc je ne sais pas, je crois pas avoir le temps de l'évoquer, mais on pourra le faire dans la discussion si vous le souhaitez. Mais c'est pour vous dire que ces questions apparemment disjointes, on peut se dire en gros quand on parle d'homosexuel, on ne parle pas de race. Bah si, parce qu'en fait on parle de modèle national, et si on parle de modèle national, la question raciale elle traverse d'un côté comme de l'autre, parce qu'on est à l'autre. Et de même pour la question, pour les questions féministes sur lesquelles je travaille depuis longtemps, il me semble qu'il est intéressant de réfléchir en ayant en tête le miroir des États-Unis, puisque les États-Unis, j'y reviendrai tout à l'heure, ont beaucoup servi de contre-modèle, d'épouvantail, pour s'interdire de poser la question féministe en France, en considérant que c'était le risque d'une américanisation de la société française, et que ça c'était. Donc il est intéressant d'essayer de réfléchir à ça, ce qui pose par ailleurs d'autres problèmes, c'est-à-dire que est-ce qu'on se retrouve en position d'importer des choses venues des États-Unis, c'est-à-dire est-ce qu'on participe à un impérialisme encore, je les évoque juste pour situer les choses et on pourra y revenir. Disons qu'en tout cas, ce sont les questions auxquelles j'ai été amené, auxquelles j'ai été confronté et qui m'ont amené à réfléchir un peu plus. Et enfin, donc, les questions raciales. Alors, les questions raciales, pendant longtemps, j'y ai réfléchi seulement du côté des États-Unis. C'est-à-dire que dans les années 90, j'ai écrit un certain nombre de choses sur les États-Unis, sur la question raciale, aussi bien sur, je ne sais pas si vous me rappelez cette affaire, O.J. Simpson, qui était un ancien footballeur noir dont on a oublié qu'il était noir, mais dont on a redécouvert qu'il était noir au moment où il a été accusé d'avoir tué sa femme blanche. Et donc ça a été un enjeu de polarisation raciale assez important aux États-Unis, donc j'avais essayé de réfléchir à ce jeu. Ou bien il y avait une grande controverse autour de la publication d'un livre qui en anglais s'appelle Bell Curve, c'est-à-dire la courbe en cloche. C'est une sorte d'énorme pavé aux allures scientifiques qui a eu un retentissement considérable aux États-Unis au milieu des années 90 et qui était un livre sur le croisement entre les gènes, le QI et la structure sociale. Donc, pour dire vite, un livre que selon beaucoup de critères, on pourrait considérer comme un brûlot raciste et qui a été reconnu comme un travail scientifique discuté par tout le monde, etc. Donc, essayer de comprendre comment se constituent les questions raciales dans ce cadre-là, il y aurait d'autres exemples. Donc, si vous voulez, pendant longtemps, je me suis intéressé aux questions raciales en considérant que c'était des questions aux États-Unis. J'y reviendrai dans deux minutes, mais depuis quelques années, je m'intéresse au fait de poser ces questions en France. Par exemple, j'ai co-dirigé avec Didier Fassin, je vous dis tout de suite, parce que probablement la question sera posée, qui est le frère. Avec Didier Fassin, on a co-dirigé un livre qui s'intitule de la question sociale à la question raciale, un point d'interrogation, depuis 2006, et qui est un effort pour réfléchir à l'actualité des questions raciales, ce serait une formulation. Et on continue. L'un et l'autre s'est travaillé ensemble de diverses manières, par exemple avec un séminaire qui se tient à l'école d'études depuis deux ans, qui commence sa troisième année, et pour lequel Pape Ndiaye vient nous rejoindre. Pape Ndiaye qui est historien, chercheur, enseignant-chercheur à l'école d'études, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et donc on continue aussi à travailler les publications, etc. Alors, je travaille sur à la fois l'émergence d'une question noire, sur l'émergence d'une question blanche. Donc voilà un périmètre. Il y a un autre élément de présentation. Je suis désolé, c'est une longue présentation, mais j'espère que. Enfin, en gros, c'est pour que ces questions n'aient pas l'air de tomber de nulle part. Un autre champ de recherche qui m'intéresse, et qui ne va pas être le centre du tout de ce que je vous présente aujourd'hui, mais il me semble que ce n'est pas inutile de l'avoir en tête, c'est autour des questions d'immigration aujourd'hui en France. Évidemment, les choses peuvent se croiser, voire identité nationale, etc. Et la manière dont elles se croisent est un enjeu important, c'est-à-dire, comme vous le savez, par exemple, la question de la diversité aujourd'hui, elle est posée au niveau gouvernemental sous l'égide du ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale. C'est-à-dire que le rapport qui va être bientôt rendu sur les statistiques de la diversité ethnique, raciale, etc., ce rapport, il va être rendu à Yannick Sadek, commissaire à la diversité, mais en même temps, l'immigration et l'identité nationale et Yannick Besson. Donc c'est Yannick Besson qui aujourd'hui donne des médailles de la diversité. Donc les questions se croisent et donc je travaille sur ces questions, entre autres dans le cadre, mais pas seulement dans le cadre d'une association qui s'appelle Cette France-là et qui a publié un volume en mars dernier sur la politique d'immigration en France et qui va en publier un par an pendant le quinquennat si nous y survivons. J'espère que vous l'aurez compris, une angoisse profonde inscrite dans le fait que s'il y a un deuxième quinquennat, nous sommes morts. Ça c'est un champ de recherche qui a un rapport avec la question de racialisation, puisqu'il me semble qu'un des enjeux aujourd'hui, ça ne va pas être l'objet de ma présentation ici, mais un des enjeux c'est la racialisation de l'immigration. C'est-à-dire que on pourrait considérer qu'il y a deux questions différentes. Il y a d'une part la question à l'intérieur de la société française, ou la diversité, qu'on l'appelle comme on veut, et je ne reprends pas ce terme à mon compte, mais c'est juste comme un raccourci, les minorités, etc. Et d'un autre côté, il y aurait l'immigration. Or, en fait, évidemment, il y a une intersection constante entre ces questions, et les questions d'immigration. génération, me semble-t-il, je ne vais pas le développer, c'était, je trouvais une intervention de la IEP les questions de l'immigration, il me semble que la racialisation passe beaucoup par une sexualisation, c'est-à-dire que c'est la question des femmes, immigrées, de la polygamie, de l'excision, des mariages forcés, etc., des violences envers les femmes, etc., toutes ces questions contribuent à une racialisation. Je vais expliquer bientôt au sujet. Donc voilà, c'est si vous voulez, trois champs de recherche qui se recoupent en partie autour des questions sexuelles, autour des questions raciales et autour des questions d'immigration. Les intersections sont assez importantes. En pratique, et je termine ce long préambule réflexif, en pratique, vous voyez peut-être, en fait, ça m'a amené à travailler de plus en plus sur la France. Moins sur les États-Unis et plus sur la France, même si, bien sûr, par exemple, sur les questions de migration, ça amène à poser de plus en plus de questions à l'échelle européenne. Mais en tout cas, ça veut dire de parler un peu moins des États-Unis. Une raison toute simple est dans le statut du savoir. C'est-à-dire que une des raisons pour lesquelles tout ça m'intéresse, c'est pas simplement la sociologie, c'est ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que mon intérêt n'est pas désintéressé. C'est banal, mais en tout cas, disons qu'il y a un sentiment d'urgence pour penser ces questions dans la société dans laquelle je vis actuellement. Et donc, au fond, je sais que par exemple, beaucoup de gens, depuis longtemps, m'ont recommandé de travailler davantage sur les États-Unis. En disant, c'est vachement bien ce que tu fais sur les États-Unis. J'y entends toujours qu'on préférerait que je travaille moins sur la France, et donc ça m'encourage à travailler sur la France. C'est-à-dire que je pense qu'en gros, au fond, si je raconte des trucs sur les États-Unis, ça ne gêne personne. Ça m'intéresse beaucoup, et je pense que c'est, etc., mais au fond, savoir des choses sur les États-Unis est sympa. C'est rigolo. Enfin, par exemple, quand je m'intéressais beaucoup à des questions telles que l'histoire de la demande en mariage aux États-Unis, qui à mon avis est un enjeu politique très important, mais alors ça, personne ne se sent menacé, donc tout va bien, donc on m'encourage beaucoup à faire ça. Et donc, tant qu'à faire, je préfère raconter des choses qui déplaisent. Donc, le déplacement, si vous voulez, de centre d'intérêt est lié à une volonté de se dire qu'il faut bien. Enfin, que ce qui m'intéresse dans la sociologie, c'est la société plus que la sociologie. Pour le dire un peu brutalement. Donc, ça veut dire aussi un rapport à l'engagement public, c'est-à-dire que la manière dont j'essaie de formuler les questions, c'est pas seulement dirigé vers des collègues, c'est aussi dirigé vers quelque chose comme un espace public ou comme une pluralité d'espace public. On a essayé d'intervenir sous différentes formes, qui peuvent être médiatiques, mais qui peuvent être aussi associatives, qui peuvent être. Là aussi, sur tout ça, je pourrais revenir si ça vous intéresse, mais c'était pour vous situer les choses, et j'arrête avec ce long préambule. Alors, je vais maintenant essayer de vous présenter ce que j'ai annoncé sur le programme, et en repartant de la question de la comparaison avec les États-Unis, je m'en éloignerai. Au début des années 90, j'enseignais aux États-Unis, et j'avais, c'est vrai, un moment où, fin des années 80, début des années 90, c'est un moment où en France, on commence à beaucoup poser la question raciste, mais pas encore la question raciale. Ça veut dire quoi? L'horizon de tout ça, c'est la montée en puissance du Front National dans les années 80. Donc, on commence à parler du fait que le racisme dont on aurait pu imaginer qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il avait disparu une fois pour toutes, revient non seulement comme une réalité de larvée, mais aussi comme un fait politique dans le champ politique, c'est-à-dire donc dans l'espace public. La réponse à ça, elle va prendre la forme en particulier du discours républicain. C'est-à-dire, quelle est la réponse à la montée du Front National? C'est l'idée que, contre le racisme plus ou moins explicite du Front National, eh bien, on va affirmer un modèle républicain qui est aveugle à la couleur, en anglais c'est colorblind, qui se décède, mais en 1989, autour de la première affaire du voile islamique. À ce moment-là, on dit parfois foulard, on dit parfois tchador, etc. J'utiliserai à chaque fois le mot voile sans connaître une particulière, simplement pour faire vite. Ce moment de cristallisation de 1989 est important parce que il s'agit de dire que la République ne fait pas la différence entre les citoyens et que donc les questions raciales ne peuvent exister que comme questions racistes. C'est-à-dire il y a des gens qui sont racistes et qui voient la couleur. Nous qui ne sommes pas racistes, nous ne voyons pas de couleur, nous sommes colorblind, nous sommes aveugles. Ça, c'est une manière de répondre à la question du Front National. Mais c'est important, je le soulignais tout de suite, 1989 aussi, c'est le bicentenaire de la Révolution française et la chute du mur de Berlin. Autrement dit, c'est un discours qui ne s'oppose pas seulement à celui du Front National, mais qui s'oppose aussi à l'héritage marxiste. La République, c'est une manière de dire « nous sommes tous des citoyens », autrement dit, nous sommes des individus abstraits et non pas des gens qui sont inscrits dans des rapports de classe. Alors, c'est important de le souligner parce qu'on oublie cette chronologie aujourd'hui, très souvent, et on impute à tous ceux qui parlent de race la responsabilité d'évacuer les questions de classe. Or, en fait, il me semble important de rappeler que historiquement en France, le discours républicain s'est constitué dans les années 80 contre le discours marxiste. François Furet, qui est canonisé en 1989, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, le grand historien de la Révolution, c'est quelqu'un dont le point de départ est l'idée qu'il faut terminer la Révolution. Terminer la Révolution, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Révolution de 1789, elle a débouché sur 1793, et qu'on ne s'en est jamais sorti, la preuve 1917. Autrement dit, le grand souci politique des années 80, c'est pas seulement de lutter contre le Front National, c'est aussi d'évacuer les traces du communisme dans la sphère politique et du marxisme dans la vie intellectuelle. Horizon indépassable qu'était le marxisme selon ça, c'est ça qu'il s'agit d'évacuer. Donc, la logique républicaine qui se met en place, il me semble qu'il est important de voir qu'elle n'est pas seulement contre la race, mais aussi contre la classe. Nous ne sommes que des citoyens abstraits, etc. En même temps, ce modèle républicain, il est d'emblée posé comme un modèle national. C'est-à-dire qu'il s'agit de penser une singularité, voire une exception française. Et c'est là qu'intervient le contraste avec ce qu'on appelle, j'utilise les guillemets, l'Amérique. Je fais pour ma part une distinction entre les États-Unis, une société, un État, et l'Amérique, qui est une figure de rhétorique dans le débat public, en l'occurrence en France. Mais c'est vrai aussi aux États-Unis. Et quand on dit America avec la main sur le cœur, on a déjà les larmes aux yeux, donc ça n'est plus tout à fait la même chose que l'invocation simplement d'une société ou d'un État. Et quand on dit l'Amérique en France, ça charrie tout un imaginaire, donc c'est une figure de rhétorique dans le débat français. Donc que vient faire l'Amérique, entre guillemets, dans ce débat? Je dirais plus entre guillemets, mais à chaque fois que je dirais Amérique, ça veut dire entre guillemets. Quand je dirais États-Unis, entre guillemets. Donc, que vient faire l'Amérique dans ce débat? Eh bien, l'Amérique, c'est le contre-modèle. C'est la République contre l'Amérique. Il y a par exemple un texte, il y a deux textes consécutifs intéressants de ce point de vue qui sont publiés comme des manifestes dans Le Nouvel Observateur en 1989. Le premier, à propos du voile, en octobre, je crois. 89, et qui constitue un front républicain avec Régis Debray, la figure haute, etc. Donc c'est la cristallisation d'une pensée républicaine en disant il faut préserver la tradition républicaine, c'est-à-dire séparer le public du privé et refuser en substance aux multiculturalisme. Ce qui est reformulé peu après par Régis Debray, toujours dans les colonnes du Nouvel Observateur, je pense que c'est important, c'est-à-dire que c'est à gauche. En disant il y a deux modèles, le modèle républicain et le modèle démocrate. Et le modèle républicain, c'est nous, la France, et le modèle démocrate, c'est l'Amérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'Amérique, dans ce cas-là, par rapport à la République? Ça veut dire qu'est-ce qui est de l'ordre du privé? Eh bien, précisément, toutes les identités. Le fait d'être une femme, c'est un fait privé, ou d'être un homme. Le fait d'avoir telle ou telle sexualité, c'est privé. Le fait d'avoir telle ou telle origine, c'est privé. Le fait d'avoir telle ou telle couleur de peau, c'est privé. C'est privé, donc qu'est-ce qui reste au public? Eh bien, les citoyens abstraits. Donc la République, c'est l'abstraction des citoyens. C'est ça le modèle qui est proposé. Par contraste, l'Amérique, nous dit-on, à l'époque, c'est la confusion du public et du privé. Ça va jouer un rôle très important, en particulier dans le rapport au féminisme. Puisque, qu'est-ce qu'on va expliquer? On va expliquer, en particulier, ça va se cristalliser, moi je m'y étais beaucoup intéressé, à la fin de 1991, ça va se cristalliser autour d'une affaire retentissante qui est le juge Clarence Thomas, juge noir nommé à la Cour suprême fin 91, pour succéder à un autre juge noir, et qui est un juge conservateur, et je ne développe pas cette histoire, si ça vous intéresse, vous le renverrez dans le texte que j'ai fait, etc. Mais ce juge noir se voit accusé de harcèlement sexuel, et il y a une sorte de grand psychodrame national aux États-Unis autour de cette question, entre ceux qui trouvent qu'il faut parler, ceux qui ne font pas parler, etc. Je laisse de côté la version états-unienne de cette affaire, mais je reste sur la version américaine, c'est-à-dire la version française. Dans la version française de l'Amérique, qu'est-ce qu'on raconte? On dit « Regardez, les Américains sont comme ça ». On ne dit pas « Les gens sont en train de s'entre-déchirer autour de représentations conflictuelles, divergentes de comment doit fonctionner la société des États-Unis ». On dit « L'Amérique est comme ça ». Et l'Amérique est comme ça, ça veut dire que, étant donné sa tradition, alors il y aura par exemple un éditorial toujours de Jacques Julliard, toujours dans le Nouvel Observateur de Jacques Julliard, expliquant que depuis longtemps, c'est-à-dire depuis les puritains, mais aussi avec les cow-boys et les diligences, et avec le rapport Kinsey, les puritains n'ont jamais su faire la différence entre le public et le privé, ils ont toujours eu un problème avec le sexe, nous non, ce qui est rassurant pour nous. Donc l'idée, c'est qu'il y a un modèle et un contre-modèle, le modèle républicain de l'abstraction des individus qui sont les citoyens, et le modèle américain qui est de gens qui font la confusion entre le public et le privé, mais aussi d'autre part, puisque ces identités privées peuvent être mobilisées dans l'espace public, c'est la logique qu'on dénonce alors comme communautariste. Parce que la communauté, c'est la mobilisation publique de ce qui est réputé privé selon la logique républicaine. Donc, ce modèle républicain, il va être important comme une manière de s'opposer non seulement à la logique de classe, non seulement au racisme du Front National, mais aussi à toute revendication minoritaire. Parce que les revendications minoritaires, elles sont perçues comme la destruction de la tradition républicaine française. Donc c'est pas seulement le racisme qui est un problème, c'est quand même surtout, selon l'expression qui est employée par un des philosophes qui publie à l'époque dans la revue Le Débat, qui un des grands lieux de cristallisation des pensées, la tyrannie des minorités. Phénomène empirique parfois difficile à repérer, c'est-à-dire qu'on ne voit pas toujours les minorités au pouvoir en France. Dans l'ensemble, les lesbiennes noires sont peu nombreuses, ou en tout cas peu out. Donc on peut s'interroger sur le fondement empirique. Mais ça, c'est un élément très important, et c'est pour ça que je parle de rhétorique, c'est que cette rhétorique n'a pas besoin de fondement empirique. C'est à ça que ça sert. Ça sert à dire, au fond, nous n'allons pas faire la démonstration. Moi, j'ai retrouvé récemment, en rangeant mes papiers, j'avais écrit sur le politiquement correct un article dans les Annales en 1993, qui était une critique de la polémique sur le politiquement correct, une sorte de déconstruction longue et empirique, etc. Et je l'avais envoyé à François Furet, qui m'avait répondu très gentiment, réellement gentiment, c'est-à-dire en me disant amicalement, etc. Mais en me disant, de toute façon, le truc, j'y crois pas du tout, parce que les méthodes des sciences sociales ne vont pas du tout pour ces questions-là. Donc j'ai gardé avec puisque c'était l'ancien président de l'école des étudiants en sciences sociales, c'était intéressant, c'est-à-dire qu'au fond, l'idée qu'on allait regarder empiriquement les choses était vraiment problématique, puisque au fond, ce qui était mis en place, c'était une représentation issue de la philosophie politique. Le courant de pensée qui, à ce moment-là, a pris une importance considérable pour cette mouvance libérale républicaine, c'est la philosophie politique qui ne va pas s'encombrer de toutes ces réalités empiriques. Donc je crois qu'il est important de voir qu'il y a non seulement le cadre politique, mais aussi il y a le cadre méthodologique, c'est-à-dire avec quoi on pense, quels sont les matériaux à partir desquels on pense. Donc, l'Amérique, ça sert à quoi? Ça sert à dire on n'est pas comme eux. Et donc, puisqu'on n'est pas comme eux, on ne veut surtout pas politiser ces questions qui sont politisées là-bas, c'est-à-dire les questions minoritaires. On ne veut pas politiser les questions sexuelles, sinon ce serait la guerre des sexes. On ne veut pas politiser les questions raciales, parce que sinon, évidemment, c'est la guerre des races. Alors, il se trouve que donc, à cette époque-là, moi j'enseignais aux États-Unis, à New York, enfin d'abord à côté de Boston, puis à New York, et que j'ai enseigné des choses sur la France et des critiques par rapport à cette vision, mais je me rappelle bien d'avoir tenu un discours que je regarde aujourd'hui avec étonnement et avec désapprobation, et donc que je vous soumets pour vous, comme témoignage indigène. Mon discours pédagogique était, je le signale parce que je pense que c'est significatif du fait que des gens qui avaient envie de poser ces questions-là les posaient, enfin, en tout cas c'était mon cas, mais je crois que je n'étais pas unique, les posait dans des termes qui, me semble-t-il, aujourd'hui apparaissent problématiques. Ce que je suggérais à l'époque, c'est que, en fait, si on voulait comparer les États-Unis et la France, il y avait aux États-Unis la question raciale et en France la question d'immigration. Je crois que c'était banal. Donc je pense que c'était faux. Et je pense que c'était une erreur banale. Et banale chez les gens de bonne volonté qui avaient envie de prendre au sérieux ces questions. C'est-à-dire, aux États-Unis, il y a la question raciale. Pourquoi? Parce qu'il y a l'histoire de l'esclavage. Et c'est, par exemple, ce que disait aussi François Curé, quand il le trouvait dans le débat, en expliquant, mais c'est différent parce qu'au fond, il y a une exception américaine qui est liée à l'histoire de l'esclavage. Et évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'esclavage dans l'histoire de France. Alors, ce discours, il n'y a pas d'esclavage dans l'histoire de France, aujourd'hui, on l'entend encore. De manière... Mais... on ne peut plus sursauter. Il me semble qu'à l'époque, personne ne sursautait. C'est-à-dire que, au fond, bien sûr, on savait empiriquement qu'il y avait eu de l'esclavage, etc., mais ce n'était pas significatif, ça ne faisait pas véritablement partie de l'histoire nationale. En partie parce que cette histoire nationale, on la faisait remonter à la Révolution française, et que la Révolution française, de ce point de vue, apparaissait comme du bon côté, etc., même si restauration, Napoléon, etc. Mais, en gros, l'idée, c'était que, certes, il y avait eu empiriquement l'esclavage en France, mais ça comptait pas. Donc, il y avait, même quand on avait envie de poser ces questions-là, une représentation, me semble-t-il, qui était, aux États-Unis, il y a une question raciale parce qu'il y a eu l'histoire de l'esclavage, et à l'inverse, le symétrique de cette proposition, c'est que, aux États-Unis, il n'y a pas de problème d'immigration alors qu'il y en a un en France. Vous voyez que cette deuxième proposition est également problématique, elle est également naïve, me semble-t-il, et encore une fois, je le dis parce que je crois que c'est important de voir que ce n'est pas seulement les autres qui nous disent des bêtises, que, en fait, on pense à travers des catégories disponibles et qu'il est assez difficile de ne pas en être captif. Donc, ça demande de réfléchir sur les catégories qu'on emploie parce que sinon, elles pensent à travers nous plutôt qu'on les pense. Donc, cette vision des choses, c'était, nous, on a un problème qui est lié à l'histoire coloniale et à l'histoire de l'immigration, mais on n'a pas de problème racial qui serait lié à l'histoire de l'esclavage. En même temps, donc, en pratique, ça se traduisait parfois par le fait qu'il était très difficile de parler de questions raciales. Mais une des raisons pour lesquelles il était très difficile de parler de questions raciales, c'est que les questions raciales n'étaient pas posées en France par des acteurs sociaux non plus. C'est-à-dire que la question intellectuelle, c'est-à-dire de quoi on parle, elle n'est pas tout à fait indépendante du fait de qui sont les acteurs qui sont porteurs de ces questions. En particulier, je me souviens bien la première fois que dans un intitulé de séminaire, j'ai utilisé, enfin, un intitulé de séminaire, c'est-à-dire pour toute l'année, j'ai commencé un séminaire en 2000 qui s'appelait « Politique des races ». Et la première chose, c'est qu'il y avait très très peu de monde à ce séminaire. Alors, vous me direz, c'est normal, c'est parce que ce que je racontais n'était pas très intéressant, etc. Mais ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, j'enseigne un séminaire sur les questions raciales et l'école de coutume, je le co-enseigne, il y a un monde fou. Et je ne pense, enfin, en gros, alors bien sûr, c'est aussi parce que j'enseigne avec des collègues qui sont vachement intéressants, etc. Et je pense que, indépendamment de tous ces critères-là, qui bien sûr peuvent jouer, etc., je crois que le fond de l'affaire, c'est que ces questions-là n'intéressaient pas, qu'elles étaient impensables, qu'elles étaient illégitimes. J'ai reçu par exemple un mail de quelqu'un qui me disait « Mais avec un titre comme ça, vous faites exister des races, etc. » Alors, il se trouve que je m'appuyais surtout sur deux exemples sur lesquels je travaillais, les États-Unis bien sûr, mais aussi l'Afrique du Sud où j'avais commencé un travail. Et là, il était difficile de dire que les races n'existaient pas, puisque c'était une catégorie d'État dans les États. Il s'agissait de politique des races, donc de la manière dont c'est institué par l'État. Mais je pense qu'il faut bien voir que ces questions, elles ont une histoire très récente. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas une histoire très importante, mais l'impossibilité de penser ces questions était très forte jusqu'à très récemment. Alors, ça veut dire que donc, penser les questions raciales, c'était pour moi les penser de manière prioritaire par rapport aux États-Unis. Que essayer de les penser par rapport à la France, c'était très difficile parce que c'était faire exister ce que, à ma connaissance, les acteurs sociaux qui auraient pu être concernés ne souhaitaient pas particulièrement formuler comme ça. Je reprendrai un exemple, enfin, je ne peux pas le prendre pour objet, c'est un peu délicat, mais Papendiel, qui est un historien de la condition noire, qui porte un nom qui signifie en quelque sorte de manière audible, non pas visible, le fait qu'il est visiblement noir, avait travaillé, mais avec prudence, sur les questions noires aux États-Unis. Il ne voulait pas en faire son domaine principal parce qu'il ne voulait pas se faire assigner à la position du noir pour travailler sur le noir, pour le dire simplement, et ce qui est très compréhensible. Et ça veut dire qu'il faut bien voir qu'on n'est plus dans le même monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut écrire un livre sur la condition noire avec une préface de Marvin Dia et sa sœur. Autrement dit, la question de qui parle est explicitée là, y compris dans la dimension familiale. Donc, ce que je voudrais maintenant essayer de préciser, c'est comment ces questions se sont déplacées. J'ai oublié à quel moment je parle encore une demi-heure. Donc, ce que je voudrais essayer de faire maintenant, c'est de montrer comment les questions se sont déplacées. Puisque, il me semble que, ben, je vous disais, en gros, si on parle de race aujourd'hui, il y a du monde, alors qu'il n'y avait personne il y a 10 ans. Donc, ça veut dire que les représentations de l'espace qui sont disponibles dans l'espace public ont bougé. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse. C'est que la logique républicaine m'est toujours apparue comme une logique radicalement anhistorique. C'est-à-dire, on disait, c'est ainsi qu'est la France, étant donné sa tradition politique, son histoire politique, sa culture, etc. Par contraste avec l'Amérique. Ça, c'était un modèle que, pour ma part, j'ai depuis longtemps critiqué, je suis pas seul, bien sûr, mais que j'ai depuis longtemps critiqué comme étant un modèle culturaliste. C'est-à-dire, la France est comme elle est, l'Amérique est comme elle est. Or, il me semble que cette perspective culturaliste, elle évacue deux choses qui sont liées, l'histoire, c'est-à-dire ça change, et la politique, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs sociaux qui font que ça change ou pas. Autrement dit, ça se donne comme une vérité intemporelle, alors que c'est un discours politique. C'est pour ça que je vous ai d'abord rappelé que la rhétorique républicaine, d'abord c'est une rhétorique, ensuite elle se constitue dans un contexte politique particulier comme une manière d'intervenir dans un espace politique. Vous voyez, c'est une manière d'essayer de renverser la perspective telle qu'elle se donne. Elle se donne comme une vérité éternelle des choses, il est important de la restituer dans sa dimension historique et politique, me semble-t-il. Alors, donc comment penser ce changement? Il me semble d'abord que ce qui s'est passé dans les années 90, c'est qu'on nous expliquait que, bien sûr, on n'était pas obligé d'être républicain, on pouvait être l'inverse. Alors, l'inverse, ça veut dire qu'on n'était pas vraiment français, mais je sais que par exemple, on m'a beaucoup reproché de ne pas être vraiment français, c'est-à-dire d'être américain, ce que je ne suis pas, mais d'être américanisé. Américanisé, puisque je passais une partie de ma vie aux États-Unis, puisque je racontais les choses empruntées, etc., ça veut dire qu'en gros, j'étais passé de l'autre côté, j'avais basculé dans une altérité, etc. Donc au fond, même si je le disais en français correct, et même si au besoin je pouvais sortir mon passeport, j'apparaissais pour un certain nombre interlocuteurs comme en fait perdu pour la France. raconter, me rendre beaucoup plus populaire aux États-Unis qu'en France. Mais justement, c'est du coup moins intéressant. Enfin, c'est intéressant aussi, mais moins. Donc, ce qui m'intéresse dans ce contexte, c'est d'essayer de penser comment ces questions n'ont pas de raison nécessaire d'être étrangères en France. Les termes du discours qui, me semble-t-il, déterminaient le débat des années 90, c'était soit vous êtes républicain, soit vous êtes démocrate, donc soit vous êtes français, soit vous êtes américain, mais aussi soit vous êtes universaliste, soit vous êtes différentialiste. Soit vous êtes universaliste, soit vous êtes communautariste, multiculturaliste, etc. Et c'est là que, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser non pas le terme de communauté, mais le terme de minorité. Encore une fois, je ne revendique pas du tout, enfin, je parle à la première personne, ça ne veut pas dire que je prétends avoir inventé chaque chose que je dis, etc. Mais au fond, je ne cherche pas toujours à savoir est-ce que je vais piquer ici ou là, etc. Enfin, peu m'importe, j'essaie de restituer la logique d'un parcours sur ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire parler de minorité? J'avais essayé de le préciser en 1997, dans deux articles. Enfin, je vous précise dans quelle revue pour que vous voyez l'effort pour essayer de parler à deux publics assez différents. La première, c'était la revue Le Débat, donc, qui a priori, enfin, c'est la seule fois que Le Débat m'a publié. Il faut dire les choses comme ça. Donc en gros, c'est pas là que ma cote est la plus haute. Et d'un autre côté, presque simultanément, dans la revue Vacarme, qui commençait à cette époque-là. Je ne sais pas si vous connaissez la revue Vacarme, qui est moins établie, mais c'est une revue qui a beaucoup posé les questions minoritaires, donc il y a un feuilleton minoritaire, donc j'avais proposé, enfin on m'avait demandé, j'avais fait un feuilleton minoritaire consacré à la question des femmes. C'est-à-dire en quoi la question des femmes était une question minoritaire. Et dans les deux cas, j'ai essayé de préciser, par rapport à la question des femmes dans Vacarme, par rapport à la question du multiculturalisme, etc., dans le débat, comment on pouvait reformuler l'alternative, c'est-à-dire comment on pouvait échapper à l'alternative proposée selon la logique républicaine, soit vous êtes républicain, soit vous êtes multiculturaliste. Alors, quelle est la formulation proposée? C'est qu'il me semble que le multiculturalisme est fondé sur l'idée qu'il existe des cultures qui sont premières, et que donc, en gros, la question qui est posée, c'est celle de la reconnaissance de ces cultures. C'est un modèle qui, me semble-t-il, joue un rôle important, par exemple, au Canada. Je crois qu'à bien des égards, s'il y a un pays aujourd'hui où la logique multiculturaliste est assez explicite, c'est le Canada. Autrement dit, il préexiste des cultures et la question politique vient par là-dessus. C'est-à-dire, étant donné les différences culturelles, comment va-t-on politiquement les traiter? Ça, c'est une première manière de poser les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de considérer que, non pas, bien sûr, je ne veux pas dire que les cultures n'existent pas, mais simplement que, politiquement, on peut choisir de partir de la question politique. C'est-à-dire, ne pas partir de la question culturelle, mais partir de la question politique. Et donc, en l'occurrence, pour ma part, l'intitulé de l'article que j'avais fait qui portait sur les États-Unis, c'était le multiculturalisme et la discrimination, c'est-à-dire partir d'un paradigme qui n'est pas celui reconnaissance des cultures, mais de la reconnaissance des discriminations à l'encontre des personnes, des cultures, des groupes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne présuppose pas la différence comme première. Ça veut dire que la différence, elle n'est pas pensée comme pré-politique. À mes yeux, c'est un enjeu important. C'est d'essayer de penser les différences comme constituées par des rapports politiques, des rapports de domination, des rapports d'inégalité, etc. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'existe pas quelque chose comme les femmes, indépendamment du rapport de domination. Il n'existe pas quelque chose comme les homosexuels, indépendamment du rapport de domination. Il n'existe pas quelque chose comme les arabes, les noirs, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas quelque chose comme les femmes, comme les noirs, etc. Mais pas indépendamment d'eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser penser, me semble-t-il, des communautés préexistant au rapport au minoritaire. Les communautés peuvent être la conséquence, elles peuvent être pensées dans ce cadre-là. La conséquence est le terme maladroit, parce que ça suppose une logique temporelle qui n'a pas de sens. C'est simplement qu'on ne peut pas, de manière analytique, faire abstraction du rapport de pouvoir. Et ce qui m'intéresse dans le terme minoritaire, je vous disais, il paraît très important d'inclure les femmes dans la logique minoritaire, parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas une question qui est liée à la nature de la population, à sa quantité, etc., mais qui est liée au rapport de pouvoir. Qu'est-ce qui m'intéresse, qui me paraît important dans la question minoritaire? C'est que les femmes, elles sont minoritaires au sens où elles sont minorées. C'est-à-dire, elles sont traitées comme mineures, à certains égards. C'est-à-dire, c'est un rapport de pouvoir. Donc les minorités, ce ne sont pas des catégories qui sont définies par des propriétés particulières, mais par des relations particulières qui sont des relations de pouvoir. Ça, il me semble que ça avait un avantage rhétorique qui est de contourner l'alternative êtes-vous républicain ou pas, c'est-à-dire êtes-vous français ou pas. Une des conditions de possibilité de l'émergence d'un tel discours, je n'ai pas le monopole, on s'en fout, c'est que, je vous disais en 1997, c'est qu'en 1997, il y a aussi l'émergence de revendications autour des questions sexuelles, en particulier de logiques qui vont donner des lois, la parité d'une part, et ce qui s'appellera ensuite le PACS d'autre part. Dans les deux cas, ça me paraissait intéressant, parce que ce qu'on nous avait expliqué dans les années 90, je vous rappelle, selon la logique républicaine, c'est qu'en France, on ne politise pas ces questions-là. Or là, on s'apercevait que ça pouvait être politisé. Mais c'était politisé pas sur le mode d'une culture des femmes, d'une culture des homosexuels, etc., mais selon un registre universaliste. C'est-à-dire que la politique minoritaire se disait dans un registre universaliste. Les droits, etc. Autrement dit, ça défaisait l'évidence qui avait prévalu dans les années 90, selon laquelle parler de ces questions-là, c'était refuser l'universalisme. Donc, il me semblait que ce qui était intéressant dans ces deux revendications, indépendamment de... On pourrait en dire beaucoup d'autres choses, évidemment, y compris négatives, bien entendu, mais ce qui me paraissait intéressant, c'est que ça permettait de bousculer l'idée selon laquelle, si on est universaliste, on ne parle pas de tout ça. Là, c'était, on parle de tout ça, et d'ailleurs, c'est nous les vrais universalistes. Il y avait, par exemple, rédigé une tribune qu'on avait signée avec d'autres, avec et nous sommes les universalistes. Autrement dit, c'est renvoyer les républicains du côté du national. Vous dites universaliste, mais au fond, vous êtes juste en train soit de protéger un ordre national particulier, soit de protéger un ordre symbolique. C'est l'enjeu qui va se prendre forme autour du mariage homosexuel, etc., de l'homoparentalité, etc., de protéger un ordre symbolique qui se dit anthropologique, c'est-à-dire universel, mais qui est universel au sens d'universalité et non pas d'universalisme. Universalité, c'est-à-dire bah, partout où il y a des femmes, ça c'est un fait empirique, mais l'universalisme, c'est pas ça. C'est pas juste de constater que partout il y a des choses. L'universalisme, c'est un principe et non pas un fait. Donc c'est en quelque sorte essayer d'enfermer l'adversaire, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas entendre parler de toutes ces questions-là, dans une position qui serait soit nationaliste, soit d'une universalité non universaliste. Parce qu'après tout, il y a partout les hommes et les femmes, oui, mais il y a aussi partout la domination masculine. Est-ce que pour autant on fait un principe de l'universalisme? Donc, ce qui me paraissait intéressant, c'est que ces questions étaient posées en faisant abstraction des questions raciales. Et même souvent contre les questions raciales, en particulier pour ce qui concerne la parité. La parité était formulé explicitement dans le registre d'universalité. C'est-à-dire, la raison pour laquelle il faudrait instituer la parité, disait par exemple Françoise Gaspard, Claude Serrange-Rébert et Anne Le Gall dans le volume qu'elles avaient publié en 1993, Liberté, égalité, parité, ce qu'elle disait, c'est mais la différence des sexes est une différence différente de toutes les autres différences. C'est un argument qu'on continue d'entendre beaucoup. C'est-à-dire, oui, non, c'est. bien sûr, il faut être sympa avec les Arabes, il faut être sympa avec les Noirs, etc. Les handicapés, si vous voulez, pourquoi pas les homosexuels, etc. Mais, malgré tout, quand même, les femmes, c'est la question fondatrice. Alors, il me semble que cet argument peut avoir une utilité tactique à un moment donné, mais qu'évidemment, elle présente aussi des inconvénients. C'est-à-dire que ça revient à opposer la question des femmes aux autres questions minoritaires. Donc c'est un des enjeux dont on va voir, par exemple, l'expression chez quelqu'un comme Sylvia Lagacinski. Sylvia Lagacinski, dans le débat sur la parité, dit « Je suis pour la parité, donc je suis pour la différence des sexes, donc je suis contre le fait que les homosexuels aient des enfants. » Ce qui est un raccourci assez impressionnant, mais en même temps assez intéressant, et on voit bien que, au fond, la question elle va être également posée par les adversaires de la parité, comme Isabelle Ballinter, qui va dire « Mais vous croyez que vous parlez juste des femmes, mais après, c'est ouvrir la porte à toutes les revendications minoritaires, et bientôt, les Arabes et les handicapés vont demander, etc. » Ça, c'est la première page du monde, en 1996. Donc, l'articulation des questions raciales et des questions sexuelles, elle est problématique. C'est-à-dire qu'au fond, on a l'impression que les questions sexuelles émergent et défont l'espace républicain sans laisser place aux questions raciales. En même temps, donc ça c'est en quelque sorte explicite. En même temps, pour ma part, et je n'entre pas dans les détails, mais il me semble que sur ces deux questions, au fond, ça va ouvrir la porte à la formulation de questions raciales, c'est-à-dire, même si ce n'était pas l'intention, même si cette intention était contredite explicitement, de fait, j'ai toujours pensé que là-dessus il y avait une sagesse inattendue d'Alain Finkielkraut qui avait été auditionné par l'Observatoire de la parité et qui avait utilisé deux expressions qui montraient sa culture classique, puisqu'il avait dit que la parité ça allait être la boîte de Pandore et le cheval de Troie. La boîte de Pandore, on voit bien effectivement, je pense qu'il avait raison sur les deux points, simplement pour ma part, très court. La boîte de Pandore, je parle de trois. La boîte de Pandore, c'est qu'effectivement, on commence par parler d'un truc particulier, c'est-à-dire la participation des femmes en politique, et du coup, on commence à dire, mais oui, mais d'ailleurs, comment ça se passe à la maison? Et d'ailleurs, comment ça se passe dans les conseils d'administration, etc. C'est-à-dire que ce qui apparaît comme une question très particulière peut être l'occasion d'en poser d'autres. Donc c'est ça, la boîte de Pandore. Le cheval de Troie, c'est, on croit qu'on ne parle que des femmes, mais en réalité, on va finir par parler des autres. Ah oui. En pratique, c'est ce qui s'est passé depuis 10 ans. C'est que la catégorie même de minorité visible, elle émerge précisément en plein débat sur la parité. On commence à parler de minorité visible, c'est-à-dire de leur invisibilité à la télévision, en 1998. Donc il me semble qu'une fois qu'on a en quelque sorte ébranlé l'évidence de la logique républicaine, il devient possible de poser un ensemble de questions. Alors, je voudrais maintenant me concentrer sur la formulation des questions raciales en prenant comme point de repère l'année 2005. Je le ferai là aussi en partant d'un exemple à la première personne pour montrer comment l'année 2005 est sur les questions raciales un point de basculement. C'est un exemple que je prends souvent, mais qui pour moi a été très éclairant, donc je le partage avec vous. En avril 2005, j'ai été invité par un certain nombre d'amis et de collègues à faire un topo, du moins d'ouverture, pour le cercle d'action pour la diversité, CAPDIV. C'était au Sénat. Et donc, il y avait parlé de questions, minorité, communauté, justement, essayer de préciser un peu de quoi on parle, de tout ce qui est clair. Et au Sénat, ça ne veut pas dire que c'était organisé par le Sénat, mais le Sénat, comme vous savez peut-être, prête une nuit, les salles, sur la place. Donc, je suis allé là-bas sans savoir exactement quel était mon public, mais j'imaginais bien la diversité. Bah, le terme était moins répandu qu'aujourd'hui, mais bon, je voyais un petit peu, ça veut dire que probablement tout le monde était parlé. Et en fait, en arrivant, je me suis rendu compte que tout le monde était noir. Ou presque. Autrement dit, diversité voulait dire noir. Ça me paraissait intéressant parce que ça voulait dire qu'on ne pouvait pas dire noir. Or, en même temps, la question noire était très visible, puisqu'en arrivant au Sénat, je ne savais pas dans quelle salle c'était, j'ai tout de suite compris que je n'avais pas besoin de demander mon chemin, il suffisait que je suive les noirs. Puisqu'au Sénat, normalement, il n'y a pas de noirs. C'est évidemment constitutif de la vie politique en France, c'est que normalement, si on fait la politique, on est blanc. Normalement. Ce n'est pas de la politique, bien sûr. Hein. Donc, il me semble que ça permettait pour moi de comprendre quelque chose sur non seulement les rapports raciaux, y compris, bien entendu, hein, je ne suis pas aveugle à ma propre position dans tout ça, mais aussi le fait que ça n'était pas visible sous le vocable noir. Ça, c'était en avril. Le CRAN, Conseil représentatif des associations noires, est fondé en novembre 2005. Donc, il y a noir dans le titre. Et ce sont essentiellement les mêmes acteurs. C'est-à-dire que les personnes qui m'avaient invité, c'était Patrick Diaye, Louis-Georges Tain, Patrick Lozès. Donc, les fondateurs du CRAN, en novembre, ne parlaient pas en avril de noir. Il me semble que là, on voit comment il y a, dans les représentations, des moments de basculement. C'est-à-dire que ce n'est pas de lentes évolutions qui font qu'au bout de 20 ans, petit à petit, etc., c'est des ruptures, si vous voulez, c'est un univers plus à la Foucault. C'est-à-dire qu'on passe d'un monde à un autre. Et en 6 mois, on se rend compte qu'on n'est plus dans le même monde. Si on n'est plus dans le même monde, ça veut dire aussi qu'on ne comprend pas tout de suite, qu'on est pris dans une réalité qui est en train de changer. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la notion d'événement, que je propose de définir comme rupture d'intelligibilité. C'est-à-dire qu'on croit qu'on comprend la société dans laquelle on a un certain nombre de repères, on parle avec des gens, on a le même langage. Et puis d'un seul coup, il y a des moments où on se rend compte que plus du tout, on ne se comprend plus du tout, on ne sait plus de quoi on parle, on ne comprend plus les langages, etc. Et il me semble que sur les questions raciales, 2005, c'est un moment d'événement et de rupture d'intelligibilité où on ne se comprend plus, où d'un seul coup, les langages sont en train de changer. Donc ma petite aventure d'arriver au Sénat que je vous rapportais, il me semble qu'elle est de cet ordre-là. Je ne comprenais pas que j'étais dans un univers de langage qui était en train de changer. Et il me semble que cette expérience-là, c'est une expérience qui ne m'est pas propre, hein, qui est, je crois, répandue. Et la preuve, c'est que les acteurs eux-mêmes ne s'étaient pas dit « on est en train de fonder la catégorie noire ». Il parlait de diversité. Simplement, peu de temps après, la diversité, ça va plus, ça ne rend pas compte de la réalité de ce qu'il veut dire. Et à ce moment-là, ce langage prend forme, ça devient noir. Alors, la catégorie noire m'intéresse. Et donc, c'est ça que je voudrais essayer de développer maintenant, sans prendre trop de temps. D'abord, pourquoi 2005 ? La première chose, la plus évidente, c'est que 2005, c'est les violences urbaines de la fin d'année. Novembre 2005, le moment où le CRAN est fondé, il se trouve que, je ne dis pas que ce soit la cause, puisqu'en fait c'était prévu d'avance, etc., mais il se trouve que ça coïncide, la fondation du CRAN et les émeutes urbaines, les violences urbaines, les banlieues, etc. Ça, c'est la première chose, et comme vous le savez, dans ces violences, on s'est aperçu qu'il y avait des gens, souvent, qui n'étaient pas blancs. Et entre autres, on s'est aperçu que souvent ils étaient noirs. Et ça, c'est important parce qu'il me semble que, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on a parlé de la question raciste dans les années 1980-1990, on parlait de la question raciste, mais donc on parlait du Front National par rapport à l'immigration et par rapport à qui ? Par rapport en gros, aux Arabes, berbères, etc. C'est-à-dire, ce n'était pas par rapport aux noirs. Il me semble que l'émergence de la question noire joue un rôle décisif dans le basculement d'une question raciste à une question raciale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la question noire, quand elle émerge, ne peut pas être résumée à la question de l'immigration. C'est ça, me semble-t-il, ce qui est décisif. Que dit le CRAN ? Et c'est pour ça que le fait qu'on m'avait demandé de parler de questions de communauté, minorité, etc., me paraît pas sans rapport avec ce que, non seulement ce que je vous raconte, mais avec ce qui s'est passé dans cette affaire. Que dit le CRAN ? Le CRAN dit, on va parler de noirs. Les gens disent, mais attendez, les noirs, ça n'existe pas, parce qu'on ne fera pas aux races, etc. Et puis d'abord, il y a les Antillais, il y a les Africains, il y a des Réunionnais, etc., mais les noirs, on ne connaît pas. La réponse du CRAN, c'est, mais quand on se voit refuser un logement, quand on se voit refuser un emploi. Ce n'est pas parce qu'on est antillais, ou parce qu'on est sénégalais, ou parce que c'est parce qu'on est noir. Autrement dit, l'expérience de la discrimination est fondatrice de cette logique, et c'est en ce sens-là, me semble-t-il, que c'est une logique minoritaire. C'est-à-dire que ça n'est pas fondé sur l'idée d'une culture commune préexistante, autrement dit, des Noirs qui partageraient le même goût pour telle nourriture, telle musique, telle, etc., etc., ou tel passé, ou tel quelque chose qui serait du côté de l'origine et de la culture. C'est pas ça. La catégorie noire ne réunit pas des gens qui auraient en commun une culture et une origine. Ça n'est pas une catégorie ethnique. Dans ce sens-là, c'est une catégorie raciale, c'est-à-dire qui est fondée sur l'expérience partagée de la discrimination raciale. Alors la différence entre la question raciste et la question raciale, c'est ça, d'abord. C'est le fait que la question raciste, elle était pensée par rapport à la question de l'immigration, c'est-à-dire elle était pensée dans le paradigme de la République, qui distingue entre les Français et les autres. Et parmi les Français, il n'y aurait aucune distinction. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit qu'on nous explique que le problème, ce n'est pas seulement les immigrés, mais c'est la deuxième génération, voire la troisième, voire la quatrième, dont on sait que ce sont toujours des enfants d'immigrés. Autrement dit, la tâche originelle d'être immigré est ineffaçable. Si elle est ineffaçable, eh bien ça veut dire que ce n'est plus tout à fait l'immigration. Parce que les immigrés, c'est ceux qui arrivent. Leurs enfants, ce sont les immigrés. Si on continue de les considérer comme des immigrés, ça veut dire qu'on les a racialisés. Et donc, la question n'est pas seulement celle de la xénophobie, c'est celle du racisme, mais ce n'est pas seulement celle de l'origine, c'est aussi celle de l'apparence. C'est ça, me semble-t-il, un changement de paradigme très important qui se joue. Et ce n'est pas un hasard s'il y a une expression comme minorité visible. Minorité visible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'apparence qui compte. Que c'est l'apparence qui va faire qu'on va être traité comme ceci ou cela. Donc le déplacement de paradigme d'une question raciste à une question raciale, il me semble qu'il est, il s'est joué en particulier autour de la question noire, parce que la question noire ne pouvait pas se résoudre à une question d'origine, de culture, elle ne pouvait pas se résoudre à une question d'immigration. Alors bien sûr, la condition de possibilité pour que ce langage émerge dans l'espace public, elle tient à une histoire qui est aussi une histoire de l'immigration. Pourquoi y a-t-il des Noirs en France ? Essentiellement pour deux raisons. Tout ça, c'est une histoire évidemment à la serpe, mais essentiellement pour deux raisons. La première, c'est en particulier la vague des migrations alimentée par l'État français avec le Bunidom dans les années 60, c'est-à-dire faire venir des Antillais. Pourquoi on faisait venir des Antillais en métropole ? Pour des raisons qui tenaient en partie à l'histoire des Antilles. C'est-à-dire, en gros, parce que s'il y avait toute une jeunesse qui n'avait rien à faire, ça risquait de créer une situation insurrectionnelle. Donc pour des raisons locales, mais aussi pour des raisons métropolitaines, c'est-à-dire on avait besoin de main-d'œuvre. Vous me direz, mais on avait des immigrés pour ça. Ben non, les immigrés, c'était pour les emplois dans le privé. Les Antillais, c'était pour la petite fonction publique. Pourquoi y a-t-il beaucoup de petits fonctionnaires issus des Antilles, de la Réunion, etc., c'est-à-dire de territoire français? C'est parce que justement ils sont français et qu'il s'agit bien de fonctionnaires, donc la poste, les infirmiers, la police, etc. Donc en gros, les emplois de petits fonctionnaires sont pour les gens venus des Dom-Tom, qu'on fait venir très, très activement. Alors que les emplois dans l'industrie, l'automobile, etc., ça va être en gros pour les Maghrébins. Donc ça, c'est une première logique migratoire. Et vous direz, à ce moment-là, donc, ils sont français, il n'y a pas de problème, etc. Sauf que, bien entendu, c'est quand même une migration. Et donc, la question va être, où est-ce qu'ils habitent? Ils habitent souvent dans des banlieues. Parce que pour des raisons de classe, pour des raisons aussi d'arrivée, etc., c'est-à-dire qu'ils n'habitent pas dans les petits villages, ils n'habitent pas, etc., ils habitent, cette population va habiter surtout dans des banlieues, des villes, etc. Et qui est-ce qui va arriver à partir de la fin des années 90? C'est des migrants d'Afrique subsaharienne. Et où est-ce qu'ils vont habiter? Dans les mêmes quartiers. Les chiffres sur l'immigration venue d'Afrique subsaharienne, on les voit monter vraiment de manière spectaculaire à partir de la fin des années 90. En gros, avant, il n'y avait pas beaucoup. élections assez récentes, les 10-15 dernières années. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fond, ces populations d'immigrés récents et de migrants de la deuxième génération, ils vont habiter dans les mêmes quartiers. Et la grande différence entre les parents antillais, par exemple, et leurs enfants, c'est que les parents antillais, on les a fait venir parce qu'ils avaient des jobs, leurs enfants, ils n'ont pas de boulot. Autrement dit, ils ont, dès le début des années 90, des taux de chômage comparables à ceux des immigrés. Les enfants, je parle, pas les parents. Les parents ont leurs emplois, etc. Les enfants. Donc, pourquoi, enfin, je vous dis tout ça très rapidement, mais il me semble que c'est important pour comprendre l'émergence de la catégorie noire. Qu'est-ce qui rend possible que des Noirs puissent dire, ouais, je sais bien, je suis antillais, ou je sais bien, je suis sénégalais, ou je sais bien, etc. Enfin, quand même, le fond de l'affaire, c'est qu'ici, je suis noir. Je ne dis pas que ce soit le cas de tout le monde, il y a bien entendu des Noirs qui ne sont pas d'accord avec cette appellation, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre peuvent se reconnaître là-dedans? Ben, c'est qu'au fond, effectivement, si on habite dans le même quartier, dans les mêmes tours, etc., qu'on a les mêmes taux de chômage, qu'on a les mêmes expériences de discrimination, que, en gros, quand les flics arrêtent des gens dans la rue, ben, ils ne leur demandent pas « Est-ce que vous êtes du Sénégal ou est-ce que vous êtes originaire d'Antilles, etc. » Et bon, c'est pas ça la question. La question de l'expérience de la discrimination, c'est qu'au fond, ils ont l'impression d'en être au même point, et que donc, bien sûr, on n'a pas tout à fait, on n'écoute peut-être pas exactement la musique, quoique, etc. Mais le fond de l'affaire, c'est que sur des choses essentielles, on a quelque chose en commun. Donc l'émergence de la catégorie noire, elle a une réalité qui n'est pas seulement rhétorique, qui est fondée sur une évolution sociale, démographique, etc. C'est bien pour ça que, par exemple, alors que le cran est plutôt souvent critiqué pour être plus africain et moins antillais, en même temps, quand il y avait eu un sondage auprès des Antillais de métropole, on s'est aperçu que dans leur immense majorité, bah, ils voyaient ça d'un bon oeil. Ils voyaient ça d'un bon oeil, pourquoi? Parce qu'au fond, bon, c'est sympa les Antillais, mais ça n'organise pas toute la vie des Antillais de métropole. Ça organise une partie de leur vie, mais seulement une partie. Donc, il me semble que l'émergence de cette question noire, elle est importante parce qu'elle contribue à poser une question qui ne se réduit pas à la question de l'immigration. Or, il me semble que c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que si vous prenez, par exemple, dans le débat sur la participation des minorités visibles, qu'on les appelle comme on veut, à la vie politique, vous avez peut-être vu émerger une expression que je trouve très intéressante sur la difficulté qu'il y a aujourd'hui à penser ce changement de paradigme, de la question raciste à la question raciale, de la question de l'immigration à la question noire, etc. C'est l'expression « issue de la diversité ». Parce que « issue de », on voit bien qu'on est dans la logique de l'origine, la logique ethnique, etc., l'immigration, etc. Mais la diversité, c'est pas ça. La diversité, c'est pas que les gens viennent d'ailleurs, mais qu'ils sont de chez nous. Il me semble que c'est ça l'enjeu. C'est ça aussi qui s'est joué, je fais une brève digression, parce que je vais très vite pour la discussion, mais c'est ça aussi, me semble-t-il, qui était significatif dans l'émergence d'un autre signal politique en 2005, qui était la création des indigènes de la République. Le terme d'indigène m'apparaît très intéressant. Ça veut dire quoi, les indigènes? D'un côté, bien entendu, c'est reprendre un terme colonial, c'est-à-dire quelque chose comme... on sait bien que, de même que sous la colonisation, on était des indigènes, on continue d'être traités comme des indigènes dans ce monde postcolonial. Mais en même temps, indigène, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on est d'ici. Lorsque les indigènes de la République commencent leur manifeste en disant « nous les indigènes de la République », ils ne disent pas « nous les colonisés de la République ». Ils commencent par dire « nous les indigènes », c'est-à-dire « on est d'ici ». Et je pense que c'est ça le déplacement, c'est qu'on n'est pas d'ailleurs. On est traité comme si on était d'ailleurs, ce qui est tout à fait différent. C'est là, me semble-t-il, qu'il y a un déplacement, c'est être traité comme. C'est ça l'histoire de la discrimination, etc. Donc la question n'est plus de partir de l'origine, mais de partir du traitement. Le geste politique des indigènes, c'est pas de restaurer une culture éternelle qui serait celle des indigènes, etc. C'est de critiquer un ordre colonial qui perdure, c'est-à-dire le fait de continuer d'être traité comme des colonisés. Donc ce changement de paradigme, il me semble qu'il n'est pas uniquement du côté du mouvement noir, il me semble qu'il est inscrit dans toutes les discussions qui ont lieu actuellement. Simplement, les Noirs me paraissent révélateurs, un révélateur du fait que ça ne peut pas marcher si on veut penser seulement dans les termes qui sont ceux de l'immigration. Alors, juste 5 minutes pour terminer, et pardon d'être plus long que je devrais. Il me semble que ce changement de paradigme, il est important à penser sur l'émergence des questions raciales. parce que ça ne reste pas très clair. Je vais prendre un exemple qui est celui du débat qui n'est pas terminé sur les statistiques ethniques, raciales, ethno-raciales, diversité, etc. On les appelle comme on veut, peu importe, on voit au moins confusément de quoi on parle. Et je n'entre pas dans le débat auquel j'ai participé par ailleurs, pour, contre, etc. En gros, je suis plutôt pour, mais je suis contre le fait qu'on accepte de travailler avec le gouvernement, etc. Mais si vous voulez, je vous en dirai plus, mais le but là n'est pas de parler de ce que j'en pense. Ce qui me paraît intéressant, c'est une pétition qui a été lancée par SOS Racisme, qui s'appelle « Fiche pas mon pote ». Je ne sais pas si vous avez lu le texte de cette pétition, qui était en gros contre les statistiques, etc. Pas très bien. Il y avait une phrase dans cette pétition qui me paraissait, qui était courte, mais qui me paraissait très révélatrice. Ça disait, je refuse, je cite de mémoire, donc de manière approximative, je refuse que le regard se détourne et qu'au lieu d'être porté sur ceux qui pratiquent les discriminations, il soit porté sur ceux qui en sont victimes. Cette phrase, encore une fois citée de mémoire, mais je ne déforme pas le sens. Cette phrase me paraît très révélatrice, justement, effectivement, c'est bien là la bataille. Si on dit, je m'intéresse seulement à ceux qui pratiquent les discriminations, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je m'intéresse au racisme. Alors, le premier problème de ça, à mes yeux, donc là je vais en proposer une critique, mais par rapport au schéma que je vous ai proposé plus généralement, le premier problème de ça, me semble-t-il, c'est que ça permet de penser effectivement, et on voit bien, SOS Racisme est issu des années 80, ça permet de penser le problème Front National. Il y a des racistes, il faut les combattre. Très bien. Moi, l'exemple que je prends toujours, c'est que j'appartiens à un univers où le racisme est très mal porté, c'est-à-dire l'université. Néanmoins, dans l'université, en gros, presque tout le monde est blanc. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas besoin que les gens soient racistes pour qu'on arrive à un résultat qui est qu'on est tous blancs. En gros, à la louche. Autrement dit, ça veut dire que l'intention et l'idéologie n'épuisent pas la question des discriminations raciales. En gros, des gens sympas, c'est-à-dire nous, arrivent au même résultat que des gens pas sympas. Et je crois que ça, c'est très important. Bien entendu, c'est pas propre aux questions raciales, c'est pareil sur les questions féministes. En gros, il ne suffit pas d'être un homme féministe pour, ou une femme féministe pour abolir les rapports de domination inscrits dans la société. C'est vrai de l'ensemble des rapports minoritaires, c'est qu'au fond, ce n'est pas juste une question de bonne volonté. Ce n'est pas juste la question des gens sympas. Or, le registre de SOS Racisme, c'est celui des potes. C'est-à-dire, c'est celui des gens sympas. Il y a des gens pas sympas, c'est le Front National, et il y a des gens sympas. Ce qui est en partie vrai, bien entendu. Il y a des tas de gens pas sympas, j'en suis bien d'accord, et il y a parfois des gens sympas. Donc, on est bien d'accord. Mais malgré tout, ça n'épuise pas le problème. Le problème des discriminations raciales, comme celui des discriminations fondées sur le sexe, l'orientation sexuelle, etc., c'est que ça excède l'intention et l'idéologie. Donc ça me paraît un premier enjeu, c'est-à-dire le déplacement de la question raciste à la question raciale, c'est de prendre conscience du fait qu'il ne suffit pas d'être sympa. En gros, il ne suffit pas d'expurger l'idéologie raciste, et qu'on arrive très bien, par exemple, avec une idéologie républicaine, à entretenir une logique extrêmement inégalitaire et discriminatoire. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, le deuxième déplacement qui me paraît important, c'est que le déplacement de la question raciste à la question raciale, ça veut dire, et à mon sens, c'est cela que récuse SOS Racisme dans cette pétition, ça veut dire que la question raciale, elle n'est pas juste en surface. C'est pas juste quelque chose où, au fond, si on arrive à se débarrasser du fait qu'il y a des racistes, etc., les personnes dont on parle sont intactes. Bien sûr, on leur complique la vie, et c'est pas bien, il faut le combattre, etc., ça c'est ce que dit SOS Racisme, mais au fond, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que les discriminations raciales ne changeraient pas qui nous sommes. Or, il me semble que c'est ça l'enjeu de la question raciale, c'est que la question raciale veut dire que de même que les femmes sont en partie constituées comme sujets dans l'expérience de rapport de domination, de même pour les homosexuels, de même pour les Noirs, de même pour les Arabes, etc. etc. C'est-à-dire qu'il me semble que l'expérience minoritaire n'est pas quelque chose qui est une sorte de petite couche superficielle qui viendrait couronner une expérience qui finalement sera la même pour tout le monde, elle constitue la subjectivité de chacun et de chacune. Donc il me semble que la question minoritaire amène à penser comment les minoritaires sont constitués par la question minoritaire. C'est-à-dire pas simplement comme c'est une expérience malheureuse, désagréable, dont il faudrait se débarrasser, mais c'est à travers ça qu'on se pense. C'est-à-dire que c'est une conception du pouvoir qui s'inscrit dans l'héritage de Foucault, qui s'inscrit aussi dans l'héritage de Jules Butler, c'est-à-dire comment le sujet n'est pas seulement assujetti par le rapport de domination, mais c'est aussi la condition de la subjectivation, c'est-à-dire la manière dont je me constitue en tant que sujet. Je me constitue en tant que sujet, pas en dehors des rapports de pouvoir, en faisant abstraction, en arrivant à les transcender, mais dans les rapports de pouvoir. Et c'est ça, me semble-t-il, qui est tout l'enjeu de la bataille aujourd'hui autour des statistiques ethniques, etc. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que les sujets minoritaires sont effectivement racialisés ? Et pour ma part, je pense que c'est le cas. C'est-à-dire, je ne veux pas dire, bien entendu, que les gens soient réduits à quoi que ce soit, etc., mais ils n'existent pas indépendamment d'eux en faisant abstraction d'eux. Deux remarques pour conclure. L'une, j'ai centré sur la question noire, et il me semble que dans la racialisation en ce moment, c'est-à-dire pas seulement l'assignation à des classes raciales, mais aussi la possibilité de se constituer en tant que sujet, il y a une question politique. Donc le cran, c'est les gens qui disent « bah oui, je suis noir », c'est-à-dire qui revendiquent en tant que sujet d'être constitué par cette expérience de discrimination, pas simplement comme une souffrance, etc., ou une injustice, etc., mais aussi comme une expérience constitutive. Il n'y a pas l'équivalent, me semble-t-il, aujourd'hui, d'un mouvement maghrébin, d'un mouvement arabe, etc. C'est une question à laquelle j'essaie de réfléchir, parce qu'après tout, c'est pas qu'il n'y ait pas d'assignation raciale, c'est pas qu'il n'y ait pas de discrimination raciale, etc. Donc, il me semble, je ne le développe pas, et on peut en discuter davantage si vous souhaitez, mais que ça prouve bien qu'il y a quelque chose comme la politique, et pas simplement l'expérience sociale, c'est-à-dire les langages qui mettent en forme l'expérience. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas ce discours aujourd'hui ne veut pas dire qu'il n'existera pas demain. Qui attendait la naissance du cran en 2005 ? Moi qui travaille sur ces questions et qui travaille avec ces personnes, je ne l'attendais pas. Donc, ça me rend prudent sur ma capacité d'anticipation. Et donc, je pense qu'on ne peut pas savoir. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être qu'en France, il y a deux raisons pour lesquelles, pour l'instant du moins, ce langage n'a pas émergé, à la différence de ce qui s'est passé autour de la catégorie noire. C'est d'une part, me semble-t-il, le fait que la question noire, au fond, était totalement invisible jusqu'à ce qu'elle émerge comme revendication. Autrement dit, l'assignation et la revendication ont émergé de manière presque simultanée. Ce qui n'est pas le cas autour des questions, je le maghrébin pour dire, c'est-à-dire que l'assignation raciale est bien antérieure. Donc il est beaucoup plus difficile, me semble-t-il, pour les acteurs de se dire que c'est un langage positif quand c'est un langage qui a été surtout un langage négatif. Deuxièmement, il me semble qu'il y a quelque chose qui joue un peu ce rôle-là aujourd'hui, c'est l'islam. Bien entendu, je ne veux pas dire que les maghrébins soient forcément musulmans et que les musulmans soient forcément maghrébins, etc. Bon, je n'ignore pas tout ça, mais il me semble que la catégorie musulman joue un rôle important et que d'ailleurs, une des manières de revendiquer une posture minoritaire, voire diams, c'est de se voiler, par exemple. Et il me semble que ça, c'est important, parce que ça dit, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'effectivement, ce n'est pas seulement des gens d'origine. C'est-à-dire, diams, ça n'est pas d'origine musulmane. Donc on voit bien qu'on est dans une logique qui n'est pas la logique ethnique, mais la logique minoritaire, dans ce cas-là aussi. Donc ça, c'est pour les questions, disons, maghrébines, musulmanes, etc. Et dernière remarque, pour terminer, sur l'émergence d'une question blanche. Il me semble qu'il est important, si on pense à ces questions de racialisation, de ne pas seulement penser que la racialisation, c'est les autres. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles un certain nombre d'acteurs sociaux peuvent, à juste titre, être réticents par rapport à toutes ces logiques de racialisation, ça peut être lorsque ces gens sont déjà racialisés par le stigmate racial au quotidien, de se dire, bah, j'ai pas envie d'accepter la catégorie qu'on m'impose, bien entendu. Mais il y a aussi le fait qu'actuellement, on a tendance à penser que la race, c'est les autres. C'est-à-dire, la race, c'est les Noirs et les Arabes, éventuellement d'autres, mais enfin, en gros, pour dire vite. il me semble que s'il y a racialisation, c'est-à-dire si ce n'est pas fondé sur des critères objectifs, c'est-à-dire ce n'est pas parce que les Noirs sont Noirs qu'ils sont traités comme Noirs. C'est pas parce que, enfin, en tout cas, ce n'est pas les propriétés qui sont inhérentes aux personnes. C'est le traitement. Et ça veut dire que, qu'est-ce qu'on fait collectivement quand on constitue des populations comme Noirs, comme Juifs, etc., quand on racialise les autres, eh bien, on se démarque. C'est-à-dire qu'on se constitue, nous aussi, par contraste avec eux, comme nous aussi, des sujets raciaux. C'est-à-dire que il y a, me semble-t-il, la constitution d'une identité blanche. La blanchité, une traduction pour le terme de whiteness en anglais, me paraît être un enjeu politique aujourd'hui très important. Et ce n'est pas un hasard si cette question émerge dans l'espace public quand, en 2005. En 2005, on voit un article dans Le Monde qui parle de violence anti-blanc, et c'est repris ensuite dans un manifeste co-signé par des figures déjà évoquées comme Alain Finkielkraut, Pierre-André Taguieff et d'autres, qui vont publier un manifeste contre ce qu'ils appellent, de manière très éloquente, me semble-t-il, quand on pense qu'on est en 2005, c'est-à-dire au moment de la loi positive sur les apports positifs de la colonisation, etc., ce qu'ils appellent les ratonnades anti-blancs. On voit bien, voilà, des Noirs qui tapent des Blancs, ce sont des ratonnades anti-blancs. Autrement dit, on voit bien la manière de superposer les registres de langage. L'émergence d'une catégorie blanche, il me semble qu'elle est importante. Elle est importante dans les classes populaires, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que être aujourd'hui défini comme français avec des guillemets, c'est-à-dire quand on dit il y a les Français entre guillemets, ça veut dire c'est les Blancs. Parce que si c'était des Français sans guillemets, ce serait des Français, mais évidemment si c'est des Français avec des guillemets, ça veut dire c'est les Blancs. Donc une des manières de se définir dans les classes populaires, ça peut être effectivement l'identité blanche. Mais ce n'est pas seulement, me semble-t-il, dans les classes populaires. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui autour de la politique d'immigration, de la politique de l'ADN et de la politique des mariages binationaux, etc. C'est une politique qui concerne l'ensemble de la France. Donc il ne me semble pas qu'on puisse considérer que ces questions de blanchité soient réservées aux classes populaires, loin de là. Mais ce qui, en tout cas, paraît important, c'est que je crois qu'un des enjeux, et je reviens à la pétition de SOS Racisme, pourquoi y a-t-il une telle horreur partagée à l'idée qu'on pourrait être fiché racialement? Je ferai l'hypothèse, je ne dis pas que je sois très faux, mais j'essaie de comprendre l'horreur. Qu'est-ce qui est horrible? Je ferai l'hypothèse que ce qui est horrible, c'est pas qu'on compte les Noirs comme des Noirs et les Arabes comme des Arabes, mais qu'on compte les Blancs comme des Blancs. C'est-à-dire que la racialisation, ce qui est très douloureux, je pense, pour beaucoup d'entre nous, c'est que avant, on n'avait pas de race, puisqu'on était blanc. Le problème, c'est que si on racialise, c'est-à-dire si c'est pas seulement qu'il y a des racistes, etc., mais s'il y a une question raciale qui structure notre espace social, ça veut dire que c'est pas seulement les autres qui sont racialisés. Ça, il était déjà, on savait bien que les Noirs étaient Noirs, que les Arabes étaient Arabes, que les Musulmans étaient Musulmans, etc., etc. On savait bien. Ce qu'on ne savait pas, quand on était blanc, c'est qu'on était bleu. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'on avait une couleur. Et il me semble que c'est ça, la logique de la racialisation, qui provoque des réactions virulentes. C'est que s'il s'agissait seulement de compter les autres, tout irait très bien. Le problème, c'est qu'il faut, à ce moment-là, voir ce qu'on fait, nous, de cette identité. J'arrête ici. Merci. Merci beaucoup. C'était passionnant, très riche. Ce que je vous propose...